14. Wenn wir diese Stelle mit Römer 8, 14 verbinden. Et si on partage, on connecte. On connecte à ces versets avec Romains 14, verset 8. For as many as are led by the Spirit of God. Amen. As many as are led by the Spirit of God. They are the sons of God. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir sind Söhne Gottes, indem wir uns für Christus entscheiden. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça montre, c'est le Saint-Esprit, la relation avec lui te fait un enfant de Dieu et pas à ta bouche. Wenn du dich für Christus entscheidest und nicht für dich selbst. Tu es un fils de Dieu quand tu choisis le Christ et pas quand tu choisis toi-même. Tu te choisis toi-même. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know how Satan can turn things into, not just turn things upside down in people's heart. Wie der Satan Dinge verdrehen kann. The so-called believers. How Satan can just turn things upside down. They may not see the truth as lies. Are you getting it? They cannot even understand the truth any longer. How Satan can turn the truth to become a lie and the lies to become the truth in their ears, in their heart. Zweit wird zur Lüge und Lüge wird zur Wahrheit in ihren Herzen. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment triste comment le diable est capable de tourner la vérité. Que ça devient un mensonge devant les enfants de Dieu parce que eux-mêmes leur corps est mauvais. He said, "You get away from them." Er sagt, kommt ihr da raus. Dieu dit, sortez d'eux. Don't be one with them. Seid nicht eins mit ne soyez pas un avec eux. He's not talking about the true God children. Es geht nicht um die wahrhaftigen Kinder Gottes. Il ne parle pas des vrais enfants de Dieu. But you know, Satan has turned it around in your heart. It's now you are not one with God's children, but you are one with them. Weil Satan verdreht es in deinem Herzen, dass du jetzt dich nicht von den Religiösen abwendest und auf einmal von Kindern Gottes abwendest. Et mais maintenant le diable veut changer la vérité pour que tu évites maintenant les enfants de Dieu mais tu sois un avec les incroyants. Praise the Lord. Hallelujah. How Satan can turn things, you know, things sometimes I marveled. Just like Paul said, Peter, you know, Jesus marveled. How you know how somebody this is like Adam disobeyed God. God marveled. It's like Satan and Lucifer now turn against Satan, turn against the true God in heaven. Amen. Erstaunt darüber, wie Leute sich, wie Leute der Wahrheit den Rücken kehren, genauso wie Gott auch erstaunt darüber war, wie Adam ihm den Rücken kehren konnte. Et parfois je m'étonne la façon quand même Jésus-Christ il s'est étonné de pharisiens, même comme comment Dieu s'est aussi étonné d'Adam, mais même de Lucifer, parce que Lucifer a été vraiment proche à Dieu, mais Lucifer, il s'est tourné de Dieu. C'est comme ça aussi, oui, Dieu est étonné parce qu'il a fait beaucoup pour nous, même pour Lucifer. Praise the Lord. 1 Johannes 3. 1 John 2. 1 Jean 3. 1 Jean 2. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 15. 15 and 16, please. 1 Johannes 2. Jean 2, verset 15 et 16. Love not the world. Amen. Daddy, thank you. It's bye-bye to the world. Amen. Allow it to be bye-bye to them. Verabschiede dich von dieser Welt, von den Leuten. Donc, dans le verset 15, on a écrit n'aimez point le monde, donc ça signifie que tu dois te séparer du monde. Allow it to be bye-bye to what they call love. What they call good, what they call pity, what they call everything. Allow it to be bye-bye to all. What they love, what they desire. Dass man sich komplett von dem verabschiedet, was sie lieben und was sie sich wünschen, was sie suchen. Donc, tu dois dire que à plus jamais ou à toutes les choses que le monde aime ou bien déteste ou bien désire. Amen. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Says, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Amen. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. He said, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I hope you understand it. Mm-hmm. Amen. A friendship with the world is enmity with God. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. L'amitié avec le monde est la les ça signifie que tu es un ennemi avec le Dieu. Amen. If you are one with them, you become enemy with God. Wenn wir eins mit ihnen, werden wir zu Feinden Gottes. Donc, oui. L'amitié avec le monde, c'est l'hostilité avec Dieu. If you are one with them, it's a matter of time before you become enemy with God's children. Wenn du eins mit ihnen bist, ist eine Frage der Zeit, bis du dich verfeindest mit den Kindern Gottes. Ja. Donc, si tu es un avec le monde, c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tu deviennes un ennemi des enfants de Dieu. Christ system, Christ ways become enemy to you. Die Wege von Christus werden dann zu deinen Feinden. Donc, ça signifie que le chemin du Christ va devenir un ennemi pour toi. Is somebody getting something? Marveled me to see how the so-called God people will allow Satan to walk in them and turn good to evil. Es erschüttert mich, wie die sogenannten Kinder Gottes das Gute zum Bösen nennen, das Böse gut auf einmal. Mm-hmm. Et c'est vraiment triste comment les enfants de Dieu tournent la vérité que ça devient un mensonge. C'est vraiment triste. A lot want to eat their cake and have it. Viele Leute wollen ja Kuchen. Et donc beaucoup des enfants de Dieu veulent avoir leur gâteau puis toujours le manger. Amen. If you eat your cake, it's no longer in your hand, it's now in your tummy. It's gone. Wenn du diesen Kuchen gegessen hast, ist der in deinem Magen, er ist weg. Et beaucoup des enfants de Dieu veulent toujours d'abord manger le gâteau, mais toujours l'avoir, mais quand tu as mangé ton gâteau, il est déjà dans ton ventre. Once you eat it, it's no longer in your hand. Wenn du es isst, ist es nicht mehr in deiner Hand. Et quand tu le manges, il n'est plus dans ton corps. A lot want to eat it and still have it in their hand. You cannot be here and there. Et beaucoup de gens, donc quand tu manges ton gâteau, là, tu n'as plus dans ta main. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent toujours avoir tous les deux. Remember, Matthew says, you cannot serve God and mammon. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Mais rappelez-vous, à Jean 6, vous ne pouvez pas servir Dieu et les mamans. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The message we preach here, they are the mystery of the kingdom of heaven. Ach so, okay. Auf Deutsch heißt es, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Unglaublich. Okay. Praise the Lord. Halleluja. The message we preach here. Die Botschaft, die wir hier predigen. They are the mystery of the kingdom of heaven. Ist die Geheimnisse vom Königreich des Himmels. Le message qu'on prêche ici sont les mystères dans les secrets du Royaume des Cieux. It is not popular. Es ist nicht bekannt. Ce n'est pas connu ou populaire. Amen. Because it takes the Holy Spirit to be revealed. Weil es den Heiligen Geist braucht, damit es offenbart wird. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour que ça soit révélé à toi. Amen. It is hidden from man. Es ist verborgen von den Menschen. C'est caché devant l'homme. It is a hidden wisdom of God. Es ist eine verborgene, die verborgene Weisheit Gottes. C'est un secret caché de Dieu. Mark 4 call it mystery. Markus 4 nennt es ein Geheimnis. Dans Marc 4, on a écrit que c'est un secret. It said Christ's message is a mystery. Die Botschaft von Christus ist ein Geheimnis. Le message du Christ est un mystère. And it is not for everybody. Es ist nicht für jeden. Ce n'est pas pour tout le monde. Praise the Lord. Alleluia. It is only for those that surrender, that submit, that open their heart to the truth. Es ist nur für die, die sich der Wahrheit öffnen, die sich hingeben. C'est seulement pour les gens où leur cœur sont ouverts, qui sont prêts d'avoir la vérité, de recevoir la vérité. The Lord revealed them to me here. Der Herr hat mir das hier offenbart. Et Dieu me les a révélés. And to have them, I never separate myself from God's children. Und um das zu haben, trenne ich mich niemals von Kindern Gottes. Was zu haben? Um das zu haben. The message to have. To have the message. I never separate myself from God's children. Trenne ich mich niemals von Kindern Gottes. et pour avoir le message de Dieu, je ne peux jamais m'éloigner des enfants de Dieu. Amen. Don't get any revelation. Never separate myself from God's children. Better separate myself from people, from those the Lord wants me to separate from. Um Offenbarung zu haben, trenne ich mich niemals von Kindern Gottes, sondern ich trenne mich von denen ich mich trennen soll, die aus der Welt, die religiösen, aber nicht die Kinder Gottes. Et pour avoir une révélation de Dieu, je ne peux jamais me séparer ou m'éloigner des vrais enfants de Dieu. Mais plutôt, je vais m'éloigner des gens qui détestent Jésus-Christ, donc le monde. If I be one with God's children, help me more, to get more revelation. Eins sein mit Kindern Gottes hilft mir sogar noch mehr Offenbarung zu haben. Et être un avec les enfants de Dieu, ça m'aide aussi d'avoir plus de révélation. I separate myself from those that keep on rejecting Christ. Ich trenne mich von denen, die Christus verweigern, aber niemals von Kindern Gottes. Et je m'éloigne des gens qui refusent de suivre Jésus-Christ, mais jamais des enfants de Dieu. Amen. Amen. I separate myself from those that hate the truth. Ich trenne mich no von matter denen, who they are. Die if it's my mother, I reject you. Egal wer es you ist. Reject Jesus, if it's not fine in your life, then I'm not there. Amen. Wenn Jesus nicht Alpha und Omega in deinem Leben ist, bin ich raus. Et si Dieu est pas Alpha et Omega dans ta vie, même si tu es ma mère, je peux pas être un avec toi que je te rejette. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If Jesus act like we are, like some of us are today, we will not be able to save anyone. Wenn Jesus so handeln würde wie einige von uns, nicht in der Lage, irgendjemanden zu retten. Et si Jésus-Christ allait se comporter comme nous on se comporte parfois, comme on choisit la chair, là il n'allait pas être capable de nous sauver. If my sibling says no to Christ for the truth, and I know that it, for them it's not to pursue Christ, to seek Him alone, I run away from you. No matter how close you are. Nein, sagen zu Christus. If it's my husband, dann fliehe ich vor dir, egal wie nah du mich bist, selbst wenn du mein Ehemann bist. Et si par exemple tu as un frère ou une sœur qui n'est pas prêt à choisir Jésus-Christ ou bien à suivre Jésus-Christ complètement, là je suis vraiment, tu dois être prêt à te séparer, à t'éloigner de cette personne, de fuir même cette personne. Et moi je suis même prêt à le faire, même avec mon propre mari. Look at what Jesus said in Matthew 18. Vous savez ce que Jésus dit en Matthieu 18. Voyez ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 18. Verse 8 and 9. 8 to 9. He said, wherefore, if your hand or your foot offend thee, if they want to take you away from Christ, he said, cut them off. Wenn deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß werden, dich von Christus wegnehmen wollen, dann hau sie ab. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. You see that? Amen. There's nobody closer to you than your hand niemand and your steht dir näher als deine Augen oder deine Hand. Even what the so-called lovey-lovey people you call lovey-lovey. Your husband or your wife. Selbst die sogenannten Liebsten, Ängsten, Freunde, Verwandten, die du hast. Amen. Et personne est tellement proche à toi comme tes pieds ou bien tes mains. Même pas ton mari, ta femme, tes meilleurs amis. Praise the Lord. Let us obey the voice of Christ. Tomorrow may be too late. Morgen ist vielleicht schon zu spät. On doit obéir la voix du Saint-Esprit. Demain, ça peut être trop tard. Paul said the days are evil. Paul sagt, die Tage sind bösartig. Dieu a dit, les jours sont mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off. And cast them from thee. It is better for thee to enter into life, ha, or maid, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting hell. So also your eyes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can say that there's nobody that should come between you and Christ. You should never allow it. Der zwischen dir und Christus kommen soll, du wirst niemals zulassen. Das ist es nicht wert. Et tu dois être capable à dire que personne peut venir entre moi et le Christ parce que ça sert à rien. Amen. I want my husband to love Christ more than he loved me. Ich möchte, dass mein Ehemann Christus mehr liebt als mich. Et je veux que mon mari aime le Christ plus qu'il m'aime moi. Il m'aime. Amen. I want, you know, I want Christ to be number one in my husband's life. Ich möchte, dass Christus die Nummer eins ist in seinem Leben und nicht ich. Et je veux que le Christ soit le numéro un dans la vie de mon mari et pas moi. I can remember there was a couple here some time ago. Ich kann mich schon erinnern, dass es ein Pärchen gab hier. Je me rappelle à un couple ici. Amen. They were from Noise. I hope the children, some of you, were here already. Amen. Couple, you know, the lady was German. The man was a Nigerian or yeah, but African. And you can, you know, I preach this message that Christ should be number one. Mm-hmm. The woman was so offended. Mm-hmm. He said, "She is number one in her husband's life, and not Jesus Christ." Mm-hmm. Then, and she said, "Her husband is not number one in her life, but her cat, pussycat. Her husband is number two. Then, not Jesus at all." Praise the Lord. Hallelujah. You can see, you know, they left here because of that message. Mm-hmm. Within around 6 months later, we heard that they are no longer together. Mm-hmm. They divorced. Und auch in der Gemeinde hatten wir mal ein Pärchen, was die Frau kam aus Deutschland und der Mann aus Nigeria und sie haben die Gemeinde besucht regelmäßig und dann habe ich irgendwann auch diese Predigt geprägt, dass du Christus mehr als alles andere in deinem Leben lieben sollst, dass Christus an allererste Stelle kommt in deinem Leben. Und die Frau besonders war sehr verärgert darüber, weil sie gesagt hat, nein, im Leben von meinem Mann muss ich die Nummer eins sein. Ich bin Alpha und Omega in seinem Leben. Ich sollte die Nummer eins sein in seinem Leben. Und sie hat gesagt, und in meinem Leben ist noch nicht mal mein Ehemann meine Nummer eins, sondern meine Katze ist meine Nummer eins. Meine Katze und danach kommt mein Ehemann. Na, und Die haben so Anstoß genommen an dieser Botschaft, dass sie dann die Gemeinde verlassen haben. Und um die 6 Monate später haben wir dann auch gehört, dass sie sich geschieden haben. Donc il y avait un couple ici à l'église. L'homme était africain, puis la femme était allemande. Et puis quand j'avais prêché que le Christ doit être le numéro un dans la vie de ton mari. Ou bien dans la vie de ton partenaire, elle était vraiment offensée parce qu'elle a dit non, moi je dois être le numéro un dans la vie de mon mari. Mais pour elle, même pas son mari était son numéro un, mais c'était un chat qui était son numéro un. Mais même pas 6 mois après, ils se sont divorcés. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Africans don't like pussycats. Afrikaner mögen keine Katzen. Amen. Amen. And this man did not like pussycat at all. Und dieser Mann mochte die Katze auch nicht in seinem Haus. Because he said the pussycat always comes into their bed, and he doesn't like it. And they were the wife and this woman and this man. They were always fighting because of it. And the man said, "Please take this cat out of this house." Und The woman said, "Instead of this cat to leave this house, you will leave this house." Praise the Lord. You can see their love. Animal Liebe. Und der Mann mochte die Katze auch nicht, weil oft ist die Katze immer aufs Bett gekommen und hat sich da immer breit gemacht und dann musste der Mann immer aufstehen, auf dem Boden schlafen und die Katze durfte dann im Bett weiter schlafen und das hat ihm halt nicht gefallen. Und wir sehen das einfach, und die Frau hat dann immer gesagt, ey, die Katze bleibt im Haus und eher wirst du verschwinden, bevor die Katze verschwindet. Na, und ihr seht ja halt die teuflische Liebe dieser Welt, na, dass sie einfach Tiere lieben, vergöttern, alles andere vergöttern außer Christus Jesus. Et ce couple, ils se sont toujours disputés à cause du chat, parce que ce chat avait toujours, disons, le droit de dormir même au lit de ces deux couples. Puis ils se sont toujours disputés à cause de ça parce que l'homme, il dormait toujours par terre. Puis après, la femme a dit que je préfère que toi tu me quittes au lieu que je perde mon chat. Praise the Lord. Alleluia. I only associate myself with the only true God children. Ich assoziiere mich selbst nur mit den einzigen Gottes. I don't have anybody. Ich habe sonst niemanden. Außer Kinder Gottes. Je m'associe toujours avec les vrais enfants de Dieu. Vous me connaissez, j'ai personne sauf les enfants de Dieu. Amen. Praise the Lord. And with them, more revelation will come. Und damit kommt noch mehr Offenbarung. Et à travers de ça, je reçois toujours des révélations. No wonder Jesus said, "Iron sharpens iron." Kein Wunder, dass die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit le fer, ça fortifie le fer. If you are used to God's children, more revelation will come. Gottes, werden noch mehr Offenbarung kommen. Only God's children, please. Et si tu as une relation avec les enfants de Dieu, seulement les enfants de Dieu, tu vas toujours avoir des révélations de Jésus-Christ. Because God's children, we always give you Christ. Parce que les enfants de Dieu vont toujours te donner le Christ. Les enfants de Dieu vont toujours te donner le Christ. I'm not saying God's children are other people, but only God's children. Be used to nicht, them. Nicht Kinder Gottes und noch andere Leute, sondern wirklich Kinder Gottes. Gewöhne dich an sie. Je ne dis pas les enfants de Dieu et les autres gens, mais je dis seulement les enfants de Dieu. Sois habitué des enfants de Dieu. Then you see that iron sharpens iron. Dann wirst du sehen, dass Eisen Eisen schärft. Et tu vas voir comment le fer fortifie le fer. Amen. Again, before Satan can destroy you, he will first separate you from the true God children. Dich zerstören kann, trennt euch erstmal von den wahrhaftigen Kindern Gottes. Et avant que le diable puisse te détruire, va d'abord t'éloigner, te séparer des vrais enfants de Dieu. The one with the true God children. I always say the true God children, and not just God children. The true God children, be one with them, and stop being one with those without. Ja, und hör auf, eins zu sein mit denen, die nicht sind, die ohne sind. Et sois un avec les vrais enfants de Dieu, pas les enfants de Dieu qui le proclament avec la bouche, mais les vrais enfants de Dieu. Praise the Lord. On va lire 2 Pierre 2, verset 2. Praise the Lord. 2 Peter 2:2. 2 Petrus 2:2. On va lire 2 Pierre 2, verset 2. Amen. Stop doing things your way. Hört auf, Dinge auf eure Weise zu regeln und zu machen. Arrête de faire les choses dans tes propres façons. Amen. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of the truth shall be even spoken of. You know, people are against this ministry today. They are against the message. Sind gegen diese Gemeinde, gegen diese Botschaft. Amen. Les gens sont contre cette église, contre le message ici. Because they are against the truth. Aber weil sie gegen die Wahrheit sind. Parce qu'ils sont contre la vérité. Amen. That you are one with those people should speak, should be a voice to you, should speak to you. Those without. Für die ohne solltest du eigentlich Christus eigentlich geben und nicht dich mit ihnen dich mit ihnen verbinden, eins sein mit ihnen. Seine Stimme. Sollst du dir sprechen? Sie spricht zu dir, dass du mit ihnen eins bist. If you are not that you are one with those without, should be a voice to you, speaking to you that you are in the wrong direction. Dass du eins bist mit den Leuten, die nicht mit dem wahrhaftigen Christus sind, sollte eigentlich Warnsignale auslösen, bei dir etwas nicht stimmt. Ja. Et que tu es un avec les incroyants, ça doit être une voix pour toi. Ça doit même te parler, te montrer que tu es dans la fausse direction. There are different voices everywhere. Es gibt verschiedene Stimmen überall. Il y a des voix différentes partout. Amen. Whoever you are one with, it's a voice speaking to you. Mit wem auch immer du eins bist, ist eine Stimme, die zu dir spricht. N'importe avec qui tu es un, c'est une voix qui te parle. Amen. Those you value their voice. Die, deren Stimme du schätzt. Les gens que leur voix tu apprécies. You know, poor Adam. Let me say poor Adam. I'm a Adam. Der arme Amen. Adam. Adam poor Adam. Der arme Adam. Amen. Adam pauvre. The Lord told me that somebody is about to fall, and she does not want to fall alone. Der Herr hat mir offenbart, dass jemand fallen wird und dass diese Person nicht alleine fallen will. Et Dieu m'a révélé qu'il y a une personne qui va tomber, mais cette personne ne veut pas tomber toute seule. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, use Adam as an example. Er hat dann Adam als ein Beispiel genannt. Après là, il a utilisé Adam comme exemple. Il s'est poor Adam. Der arme Adam. Adam pauvre. Amen. He did not know that the most dangerous person to him was his wife. Er wusste nicht, dass die gefährlichste Person in seinem Leben seine Frau ist. Somebody got something here. Il ne savait pas que la personne plus dangereuse dans sa vie était sa femme. He did not know how dangerous his wife was. Adam wusste nicht, wie gefährlich seine Frau ist. Without the wife, he would not fall. Denn ohne die Frau wäre er nicht gefallen. Il ne savait pas comment la femme était dangereuse pour dans sa vie, parce que sans la femme, il n'allait pas tomber. Are you getting it? Beware of those you are one with. Nimm dich in Acht vor den Leuten, mit denen du eins bist. Et fais attention de gens avec lesquels tu es un. Amen. Amen. Even your wife, even your husband, even your children. Selbst deine Kinder, deine Frau, dein Ehemann, deine Freunde, deine Bekannten. Même si c'est ta femme, ton mari ou bien tes enfants, mais tes connaissances. You know, Lot refused to be one with his wife. Lot hat sich geweigert, eins zu sein. Something happened to the wife, but he just said choose. Seine Frau ist der Leibsäule erstarrt, aber er hat sich einfach nur verabschiedet, ohne sich umzudrehen. Ohne without turning. Et Lot, il a réussi à être un avec sa femme, parce que quand sa femme est tombée, il a rejeté la voix de Dieu. Dieu ne s'est pas Lot ne s'est pas tourné. His wife disobeyed the voice of God. Seine Frau hat die Stimme Gottes missachtet. Parce que sa femme a désobéi la voix de Dieu. And Lot refused to disobey that voice. Aber Lot hat sich geweigert, die Stimme zu missachten. Mais Lot a refusé à obéir la voix de sa femme. If one or others are choosing to disobey Christ, will you also join them? Wenn sich einer entscheidet, Christus zu missachten, wirst du mit auf das Boot steigen, wirst du Christus mit missachten? Si quelqu'un se décide de désobéir Dieu, est-ce que tu vas même le joindre? If they choose the flesh, will you join them? Wenn sie das Fleisch wählen, wirst du sie mit unterstützen. Si ils choisissent la chair, tu vas les choisir aussi. Remember Orpah and Ruth. Erinnere dich an Orpah und Ruth. Rappelle-toi à Orpah et Ruth. Amen. You know, Orpah chose the flesh, but Ruth chose the spirit. Orpah hat sich für das Fleisch entschieden. Sie ist zurück zu ihrer Familie gegangen, zu ihrer weltlichen Familie. Aber Ruth hat sich für den Geist entschieden. Sie ist mitgegangen mit Naomi. Orpah a choisi sa vie ancienne, mais Ruth elle a choisi le chemin avec Naomi. You can see these two people's choice. Ihr seht die Wahl dieser zwei Leute. On peut voir les deux décisions de ces gens. Naomi was their mother-in-law. Naomi war ihre Schwiegermutter. Et Naomi a été leur belle-mère. Are you getting it? Are you going to choose Christ today? Und wirst du dich für Christus entscheiden? Mais est-ce que tu vas choisir Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. And I thank the Lord for Ruth and Naomi. Und ich danke dem Herrn für Ruth und Naomi. If two walk together, it means they are one. Wenn zwei zusammengehen, heißt es, dass sie eins sind. Et je remercie Dieu pour Ruth et Naomi parce que si deux marchent ensemble, ça signifie qu'ils sont un. Because two cannot work together except they are one. Weil zwei können nicht zusammengehen, es sei denn, sie sind eins. Parce que deux ne peuvent pas marcher ensemble, sauf qu'ils sont un. Amen. Amen. Then we both walk and act the same way. Sie werden gleich gehen und gleich handeln. Parce qu'ils ont, ils vont se comporter pareillement. They will both take the same decision. Ils vont les mêmes décisions prendre. Ils vont prendre les mêmes décisions. Amen. Mm. You can see it in their words and in their decision that they are one. Du siehst es in ihren Worten, in ihren Entscheidungen, dass sie eins sind. Tu peux le voir dans leurs paroles et leurs décisions qu'ils sont un. You can see Ananias and Sapphira. Du kannst Ananias und Sapphira sehen. They were one in decision. Sie waren eins in der Missachtung. Tu peux voir Ananias et Sapphira, ils ont été un dans leur désobéissance. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And Jesus and his disciples, they were one. Jésus et les disciples, ils ont été un. And that's why when Jesus left in Acts 4, go to Acts 4, 13. Apostelgeschichte 4, 13. Please, I'll take your time a little bit. Apostelgeschichte 4, 13. Acts 4, verse 13. Acts 4, verse 13. Praise the Lord. Hallelujah. He said, now when they saw the boldness of Peter and John, I perceived that they were on land, and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them, that they had that they had been with Jesus. Mm-hmm. Who, you know, whoever teach you song, you know, you sing like that very person. Wer dir auch immer das Singen beibringt, du wirst, deine eigene Stimme wird sich der Stimme ähneln von deinem Singlehrer, Musiklehrer sozusagen. Mm-hmm. Donc dans ces 13, on dit pratiquement que la personne qui te montre comment chanter, c'est comme ça aussi ta voix va être, donc tu vas chanter la même façon comme ton professeur. Whoever you move with, you'll be like that person. Du, mit wem auch immer du dich abgibst, dem wirst du ähneln. N'importe avec qui tu marches, tu vas te comporter comme cette personne. We have seen Ruth and Naomi. Wir haben Ruth und Naomi gesehen. On a vu Ruth et Naomi. And Jesus and his father. Jesus und sein Vater. Jésus et son père. Praise the Lord. Amen. Amen. You can see them. You can see them. You can even see him. Let me say this also. Elisha and his servant. Elijah and his Knecht. Eli et son serviteur. Amen. Elisha and eyes were open spiritually, but his servants were blind. But through Elisha, that man's eyes were now open. Elijahs Augen waren geöffnet und die des Knechtes waren aber verschlossen, aber durch Elijah konnten sie auch sehen und wurden auch geöffnet. Donc Élisée avait donc les yeux d'Élisée étaient ouverts, mais les yeux de son serviteur étaient fermés. Let us beware of those we are one with. Acht geben auf die Leute, mit denen wir eins sind. Und dann faire attention des gens avec lesquels nous sommes un. When people are falling, they always seek people to fall with them. Suchen sie immer nach Leuten, mit denen sie fallen können. Et si quelqu'un tombe, cette personne cherche toujours les gens avec lesquels elle peut tomber. If fair, you now look for Adam to fall with him. Und hat dann Adam aufgesucht, damit er mit ihr fällt. Eve est tombée et elle cherche aussi la chute d'Adam. A wife and a husband as an example, please. Ehemann und Ehefrau als Beispiel. Un mari et une femme comme exemple. You know, Eve became blind to the truth. Eve wurde and she drew her husband into it. Und hat ihren Ehemann mit da rein gezogen. Eve est devenue aveugle pour la vérité, puis elle a même tiré, elle a tiré même son mari dans cette position d'être aveugle. Remember Genesis 3. The Lord said, because you obey the voice of your wife. Praise the Lord. Hallelujah. You obey, you reject my voice and obey the voice of your wife. The voice of that woman that you listen to will destroy you. You better change and obey the voice of Christ. Gott hat zu Adam gesagt, weil du nicht mir gehorcht hast, sondern der Stimme deiner Frau gehorcht hast, ne? Und achte darauf, dass du der Stimme des Herrn gehorchst und nicht der Stimme von irgendeiner anderen Person, sei es Frau, Mann oder Kind oder sonst jemanden. Et Dieu après la chute de l'homme. Dieu a dit à Adam, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, tu es maudit. C'est comme ça aussi Dieu nous dit aujourd'hui, fais attention à la voix que tu obéis. Whose voice do you listen to? Wessen Stimme hörst du zu? Tu obéis à quelle voix? The voice you value so much. Die Stimme der du so Christ viel voice. Gewicht gibst, der du so sehr schätzt, mehr als die Stimme von Christus sogar. La voix que tu apprécies tellement que tu le mets devant ou bien que tu préfères la voix de cette personne que la voix du Christ. If you look at it, Adam and Eve, they were both of Christ. Sie waren beide, sie haben beide zu Christus gehört am Anfang. Au début, Adam et Eve étaient appartenaient au Christ. But Eve rejected the voice of the Lord. Aber Eva hat die Stimme von des Herrn missachtet. Mais Adam a désobéi la voix de Dieu. She fell. Sie ist gefallen. Est tombée. And drew her husband. Und hat ihren Ehemann mitgenommen. Et puis, elle a aussi tiré son mari dans la chute. I will not go to hell because of anybody. Ich werde wegen niemandem in die Hölle gehen. Je ne veux pas aller en enfer à cause de quelqu'un. Amen. Amen. You know, God blamed Adam for accepting his first wife. Gott hat Adam schuldig gesprochen, weshalb er doch der Stimme des weshalb er der Stimme seiner Frau gehorcht hat. Et Dieu a donné la faute à Adam pour, parce qu'il a obéi la voix de sa femme. There is a she that want to fall here in this ministry, and she does not want to fall alone. Mm. Es gibt eine Frau, die fallen will, und diese Person will nicht alleine fallen. Amen. In dieser Gemeinde. Amen. Et il y a une femme dans cette église qui veut tomber, mais elle ne veut pas tomber elle-même. The Lord said the fall is a result of pride and self. Und dieser Fall ist ein Resultat von Selbst und Stolz. Et cette chute est un résultat du soi et de d'orgueil. Amen. Amen. You know, the Lord warned the city of Nineveh through what do you call him? Jonah. Jonah. Amen. And they repented. Mm-hmm. And the Lord and everything was back to what where the Lord wanted to be. Yeah. All he needs from us is just repentance. Der Herr hat der hat die Stadt von Nineveh auch gewarnt durch Jonah und er hat es getan und Nineveh hat Buße getan, ist umgekehrt. Er warnt, aber er verlangt, er gibt noch Raum zur Buße. Man kann noch umkehren. Es ist noch kein Urteil gesprochen. Et on peut voir que Dieu a averti le cité Ninive à travers de Jonas. Et après, on pouvait voir comment Ninive se sont repentis. Et après, tout a été bien. Ils avaient une relation avec Dieu. Donc, quand Dieu nous dit ces paroles, ce n'est pas qu'il nous a déjà jugés, que le jugement est déjà tombé. Non, mais c'est pour que tu te repentis. Praise the Lord. Don't be one in evil with anybody. Sei mit niemandem eins im Bösen. Ne sois pas un avec quelqu'un dans le mauvais. What Christ called evil. Was Christus bösartig nennt. Ce que Christ appelle mauvais. It is better you have war with man than having war with Christ. Es ist besser, einen Krieg mit Menschen zu haben, als einen Krieg mit Christus. C'est vaut mieux avoir la guerre avec l'homme qu'avoir la guerre avec Dieu. It is better there's division between you and your wife because you choose Christ than you have peace in the so-called marriage, family, because you ignore Christ. Es ist besser, Streit zu haben in einer Ehe, als Streit zu haben mit Christus Jesus, weil du der Wahrheit, weil du die Wahrheit missachtet hast. Vaut mieux avoir la division dans ton mariage, dans ta famille, parce que tu obéis au Christ, qu'avoir la division avec Dieu pendant que tu es un avec ton mari ou bien avec ta femme. Remember Ananias and Sapphira. Erinnert euch an Ananias und Sapphira, sie wurden beide getötet in der Gemeinde. Rappelez-vous à Ananias et Sapphira, tous les deux ont été tués dans l'église, à l'église. They both chose the flesh. Sie haben sich beide für das Fleisch entschieden. Ils ont choisi la chair. They both chose Satan. Sie haben sich beide für den Satan entschieden. Ils ont choisi le diable. And they got the same result. Und sie haben das gleiche Resultat bekommen. Ils ont reçu le même résultat. You know, some time ago, my husband and myself, we were not even the same. Und vor einiger Zeit war auch mein Ehemann und ich nicht eins. Es gab immer Missverständnisse. Et au début, mon mari et moi, nous n'avons pas été un. Il y avait toujours des, des incompréhensions. Amen. Because he sees things this, you know, in another way. I see things in another way. Er hat Dinge auf eine Art und Weise gesehen. Ich habe die Dinge auf die andere Art und Weise gesehen. Il avait vu les choses d'une manière, mais moi je l'ai toujours vu différent. I choose the spirit all the time. Ich habe mich immer für den Geist entschieden. Et je me suis toujours décidé pour la chair. Amen. I know that we all cannot be, we might not be in the same level. Ich weiß, dass wir. But somebody must be hungry. Alle nicht auf der gleichen Ebene sein können, aber wir müssen hungrig sein. Je sais que pas tout le monde peut être dans la même position ou bien avoir la même maturité, mais nous tous on doit être on doit avoir faim. I never because of the flesh. I never because of marriage choose the flesh. Ich habe mich niemals wegen der Ehe für das Fleisch. Weil ich bin nicht hinter Ehe her, sondern hinter Christus. Et on peut deux personnes peut avoir des deux donc tous les deux personnes peuvent pas avoir la même maturité, mais un de ces deux doit avoir faim. Et moi-même, je ne suis jamais choisi ou bien suivi la chair ou bien le mariage, mais toujours le Christ. I never because of any marriage say no to the spirit. Yeah. Selbst in der Ehe sage ich it was tough. bin ich nicht hinter der Ehe her. Ich habe niemals Ja zum Fleisch gesagt, auch wenn es hart war. Et même si c'était difficile pour moi au début, j'ai jamais dit oui à la chair pour avoir le mariage. I stood fast with Christ. Ich habe mich an Christus Jesus geklammert. Et je me suis accroché à Jésus-Christ. We cannot go there. 1 Peter 5:8-10. If you read it, it's there. Once you stand with Christ, once you hold on Christ, it might take time. But attend the Lord. He not speak like me. We are just one. In Christ Jesus. Zu 1. Petrus 5 können wir jetzt gerade nicht gehen, aber ich habe mich an Christus geklammert und irgendwann ist er auch dazu gekommen. Nun, jetzt reden wir gleich. Wir reden jetzt die gleiche Sprache durch Christus. Au début, ça a pris beaucoup de temps, mais maintenant, je peux voir que mon mari et moi, nous sommes un, parce que moi, je me suis accrochée à Jésus-Christ. Maintenant, il parle comme moi, il se comporte comme moi. Nous sommes maintenant un, mais en Jésus-Christ et pas dans la chair. Let us choose Christ. Lasst uns Christus wählen. On doit choisir Jésus-Christ. Ruth followed Naomi. Ruth ist Naomi gefolgt. Naomi a suivi, Ruth a choisi, a suivi Naomi. Amen. Amen. No, Lot followed Abraham. Lot ist Abraham gefolgt. Lot a suivi Abraham. Let us follow. No, let us follow whoever choose Christ. Lass uns den Leuten nachfolgen, die Christus wählen. Mais nous on doit choisir les gens qui choisissent Jésus-Christ. To be follow in Christ is a victory. Ein Mitläufer zu sein in Christus ist Erfolg. Et suivre Jésus-Christ, les gens qui suivent Jésus-Christ, c'est la victoire. Matthäus 8. Matthieu. Praise the Lord. Amen. Amen. Matthieu. Suivre qui suit Jésus-Christ. Okay. Suivre qui choisit Jésus-Christ, c'est ça la victoire. Amen. Amen. No one. You know, we are all follow. Wir sind alle Mitläufer. Nous tous on suit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It's either you follow Christ or you follow Satan. Christus oder Satan. Soit tu look at what Jesus says. Jésus-Christ, ou bien tu suis le diable. Matthew 8, verse 22. Mm-hmm. Matthäus 8, 22. Matthieu 8, verset 22. But Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. Follow me and don't follow Satan. Folge nicht Satan. Follow me and don't follow them. Folge mir und folge nicht ihnen. Jésus-Christ a dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Mm. Imagine if Ruth did not follow Naomi. Stellt euch vor, Ruth wäre nicht Naomi gefolgt. Imagine-toi que Ruth n'avait pas suivi Naomi. Oh, Lot did not follow Abraham. Lot wäre Abraham nicht gefolgt. Ou bien Lot n'allait pas suivi Abraham. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us choose Christ. Lass uns Christus wählen. On doit choisir. He said, follow me. Er sagt, folge mir nach. Il a dit, suis-moi. Amen. There's nothing wrong to be follower of Christ. Es ist nicht schlimm, ein Mitläufer an Christus zu sein. Ce n'est pas grave de suivre Jésus-Christ. Follow Christ and become Christ. Sei hinter Christus her, folge ihm nach und werde zu ihm. Suis Jésus-Christ et deviens comme lui. Amen. Amen. Let us choose him and not reject him. Lass uns ihn wählen und ihn nicht verweigern. On doit choisir Jésus-Christ et pas lui rejeter. Don't be follow in evil. Sei nicht ein Mitläufer im Bösen. Ne sois pas un suiviste dans le mauvais. You know, Paul also said, follow me because I follow Christ. Und Paul hat auch gesagt, folgt mir, weil ich Christus folge. Même Paul a dit, suivez-moi parce que moi je suis Jésus-Christ. Follow me because I choose Christ. Folgt mir, weil ich Christus wähle. Suis-moi parce que je choisis Jésus-Christ. He did not say because I reject him. Nicht, weil ich ihn verweigere. Pas parce que je le rejette. Praise the Lord. Hallelujah. But because I choose it. Und weil ich ihn wähle. Parce que je le choisis. Who do you listen to? Wem hörst du zu? Mais à qui tu obéis? The way of those you move with. Nimm dich nach den Leuten, mit denen du Zeit verbringst. We are one with. Mit denen du eins bist. Fais attention aux gens avec lesquels tu es un. Those you value so much. Die du wertschätzt. Les gens que tu apprécies tellement. What you value. Please value Christ alone. Schätze bitte Christus alleine. S'il te plaît, apprécie seulement Jésus-Christ. And not Christ and the flesh. Und nicht Christus und das Fleisch. Et pas Jésus-Christ et la chair. Amen. Mm-hmm. You know, a hardened heart always comes from somewhere. Ein verhärtetes Herz kommt immer von irgendwo. Un cœur endurci vient toujours de quelque part. Where is the hardness of your heart coming from? Wo ist die Verhärtung des Herzens? Woher kommt die Verhärtung deines Herzens? Mais d'où vient ton cœur endurci? Is it coming from your wife or from your husband? Kommt es von deiner Frau, von deinem Ehemann, von Bruder, von Schwester? Ça vient de ta femme, de ton mari, de ton frère, de ta sœur. Whatever you value, we have in your heart. Was immer du wertschätzt, wird dein both sides. Wird dein Herz verhärten. Christ's side or Satan's side. If you value Christ so much, it will harden your heart towards Satan. Wenn du Christus so sehr wertschätzt, wird es dein Herz gegenüber dem Satan verhärten. Mais si tu apprécies Jésus-Christ tellement, là, ça va endurcir ton cœur devant le diable. Amen. If you value the flesh so much, it will harden your heart towards Christ. Wenn du das, the flesh might be parents. Wenn du das Fleisch so sehr wertschätzt, wird dein Herz verhärten. Might be your job, might be whatever, your children. Wenn du das Fleisch so sehr wertschätzt, wird dein Herz verhärten gegenüber Christus Jesus. Und dieses Herz, dieses Fleisch kann deine Arbeit sein, deine Kinder sein, deine Familie sein, deine Freunde, deinen Job. Ja. Amen. Et si tu apprécies la chair tellement, puis la chair peut être ton mariage, bien tes parents, bien ton travail, l'argent. Si tu apprécies la chair tellement beaucoup, là ça peut même endurcir ton cœur devant Jésus Christ. If you value the truth, your heart will be hardened towards lies. Wird deine dein Herz verhärtet sein gegenüber der Lüge. Mais si tu apprécies la vérité, tu apprécies le Christ, là ton cœur va être endurci devant de mensonges. So also if you value the flesh. If you value lies, the flesh, they are lies. Amen. If you value the flesh, your heart will be hardened towards the truth. Wenn du das Fleisch wertschätzt, wird dein Herz verhärtet gegenüber der Wahrheit. Mais si tu apprécies la chair et les mensonges, là ton corps va être endurci devant la vérité et le Christ. A hardened heart always comes from what you value. Ein verhärtetes Herz kommt immer von dem, was du wertschätzt. Un cœur endurci, ça vient toujours des choses que tu apprécies. Whatever decision you are going to take, please consider Christ. Jegliche Entscheidung, die du triffst, bitte erachte Christus. Chaque décision que tu vas prendre, s'il te plaît, considère d'avoir le Christ. Amen. And prove that whatever decision you have been taking, if you even consider Christ at all. Prüfe die Entscheidung, ob du Christus erachtest. Et examine tes décisions que tu prenais au passé, si tu avais d'abord considéré le Christ du tout. Praise the Lord. Hallelujah. Please. Prove your heart. Prüfe bitte dein Herz. Examine ton cœur. You also may improve your decision. Prüfe deine Entscheidung. Et examine tes décisions. Before you take it. Bevor du sie triffst. Avant que tu prennes une décision. Amen. Don't allow your flesh to steal, kill and destroy. Lass nicht zu, dass dein Fleisch von dir stehlt, tötet und zerstört. Der Satan liebt das Fleisch. Ne permet pas que ta chair te détruit, parce que le diable il aime vraiment ta chair pour te détruire et pour voler de toi. In your heart, do you really believe you are obeying Christ? In deinem Herz glaubst du wirklich, dass du dem Herrn gehorchst? Dans ton cœur, est-ce que tu crois vraiment que tu obéis à Dieu? Listen to this message with an open heart. Höre dieser Stimme bitte mit einem offenen Herzen zu. Et entends ce message avec un cœur ouvert. And not with a heart that's already filled. You already allowed to be occupied by yourself. Und nicht mit einem Herzen, was schon voll ist mit dir selbst. Stop here, please. Praise the Lord. Et n'écoute pas ce message avec un corps qui est déjà rempli avec le soi. Praise the Lord. Hallelujah.